C'est la chronique de l'association de soccer de Dolbeau-Mistassini avec Justine Girard, qui est l'assistante coordonnatrice. Salut Justine! Justine, d'abord, c'est ta première expérience, je pense, comme assistante coordonnatrice. Comment tu trouves ça? Fait que, tu sais, je veux pas, ça fait partie de ce que j'aime, là, puis j'aime vraiment ça. C'est une belle expérience également, une première belle expérience de travail, là. Ouais, vraiment. OK. Justine, si on parlait un peu de ce qui s'est passé à l'association de soccer cette semaine, parle-moi des matchs. Dans le fond, là, il y a eu plusieurs matchs cette semaine, là. Depuis, dans le fond, ça fait quand même longtemps que c'est commencé, là, depuis ouais. Là, le 22 mai. Depuis le 22 mai qu'il y a des matchs, là, de fond compétitif là, puis à plusieurs niveaux. Dans le fond, il y a eu des matchs du 8, des matchs du 10, des matchs de U12, de U14, du 16, puis de senior. Puis dans le fond, dans l'équipe de U8-1 qui est coachée par Patrick Trompeano, il y a eu un match à date, puis c'est une défaite de 3-1 contre Saint-Félicien. Ok. L'équipe de U8-2 c'est coachée par Cathy Beaulieu. Ouais. Ils ont fait un match, puis ils ont perdu 5-0 contre Saint-Fé. OK. Maintenant, la première équipe de U10, dans son U10-1, ils ont joué deux matchs. Ils ont perdu le deux matchs 9-2 contre Dolbeau 3. OK. Puis le deuxième match 5-2 contre Saint-Fé 3. Ouais. U10-2 a gagné ces deux matchs. On a joué contre Saint-Fé, on a gagné 5-1. Puis ils ont joué contre Saint-Prime, ils ont aussi gagné 5-1. OK. L'équipe de U10-3, eux autres, ils ont joué un match, puis ils ont gagné contre l'équipe de Dolbeau-Mistassini, U10-1, ils ont gagné 9-2. OK. Et maintenant, l'équipe qu'on parlait, là, de U10-A, qui est nouvelle, là, qui est plus forte un peu, ils ont joué, eux autres, trois matchs, puis dans le fond, ils ont perdu 7-0 le premier match, 7-0 le deuxième, puis ils ont perdu contre Saint-Prime 8-5. OK. Fait que, donc, c'est quand même, ça va quand même assez bien dans l'ensemble. Oui, ça va quand même bien. OK. Ben, Justine, quand on parle dans plus compétitif, mettons dans le U12, dans le U14, dans le U16, ou dans le plus compétitif un peu, là. Oui. Ça va super bien, là. Mettons, dans le U16 féminin, là, ils ont juste des victoires. OK. Donc, ça va quand même très, très bien de ce côté-là aussi, là. Cette semaine, à surveiller? À surveiller. Il y a plusieurs matchs, j'imagine, encore? Oui, il y a des matchs. Il y a un match de senior ce soir. OK. Après ça, il y a un match du 10, 8, avec Patrick à l'extérieur à Saint-Fé. OK. Après ça, il y a U12 qui joue cette semaine. Qui joue la semaine prochaine. Mardi, la semaine prochaine. OK. Puis c'est pas mal ça. Ces temps-ci, là. Ouais, pas mal ça. OK. Bon, ben Justine, on se reparle même pas la semaine prochaine. D'accord. De l'association de soccer de Dolbeau-Mistassini, Justine Girard.